بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا طلاق قبل النكاح. قبل نكاح. Bon, ça c'est un chapitre assez simple où l'auteur il dit il n'y a pas de divorce avant que le mariage soit contracté. Il n'y a pas de divorce avant que le mariage soit contracté. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح. نعم. Bon, ça c'est très simple, il n'y a pas besoin de trop d'annotations là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré le divorce après la mada, après que le contrat de mariage soit contracté. Après que le contrat de mariage soit contracté. طيب. والمراد بالنكاح هنا عقد الزواج مفهوم. نعم. طيب. قال الموضوع الثاني قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى. نعم. طيب. قال والمراد بالنكاح هنا عقد الزواج وهو الأصل في إطلاق لفظ النكاح في الكتاب والسنة إلا في موضعين في القرآن الكريم. Donc là il se dit que le but visé lorsqu'on parle de la talaq بعد النكاح يعني قبل النكاح, il y a pas de divorce avant le nikah. Le nikah là ce n'est autre que le contrat de mariage, ce n'est pas le rapport intime, ce n'est pas autre chose. Et à la base quand on parle de quand on évoque le mot nikah, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, ça sous-entend le contrat de mariage. Sauf à deux endroits. Sauf à deux endroits dans le Coran. Al-mawdu' al-awwal, qawluhu ta'ala, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Elle ne lui sera pas permis jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Le mariage, là, dans ce verset, est-ce que c'est le contrat de mariage ou c'est autre chose? Autre chose. C'est le rapport. Naam. C'est pas le contrat de mariage. C'est le rapport intime. طيب. نعم. والموضوع الثاني قوله تعالى et le deuxième endroit où le mariage n'est pas à comprendre comme contrat de mariage. Le verset de sourate Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala dit نعم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. نعم حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح هنا ما معنى ماذا كما ils ont traduit ça وابتلوا اليتامى. Dans la sourate An-Nisa, verset éprouver les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent, si on le traduit littéralement, on dirait jusqu'à ce qu'ils atteignent le mariage. La puberté. Mais là, c'est la puberté. An-nikah bima'na al-bulugh. Tamam. Ala kulli hal al-bab hada sahl jidda. Qala وعن طيب وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. Il n'y a pas de divorce. Donc ça c'est le hadith est clair. Il n'y a pas de divorce avant le contrat de mariage et il n'y a pas de possession ou plutôt il n'y a pas d'affranchissement, tu veux affranchir une personne, tant que tu ne l'as pas, tu ne l'as pas possédé. Tamam. Hada aslan, c'est quelque chose qui ne contredit pas l'aql, c'est compris de tout le monde, Inch'Allah. طيب قال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. Donc chapitre, celui qui divorce, est-ce qu'il doit dire, est-ce qu'il doit se retrouver face à face avec son épouse pour évoquer le talaq? C'est pas une obligation, comme on l'a vu dans le précédent hadith. C'est pas une obligation. Lakin s'il le fait, ma alayhi bas. Ma alayhi bas. طيب. قال عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما. Donc là c'est un hadith d'Abi Usaid qui dit que on est parti avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans un endroit bien précis qui se trouvait entre deux jardins. On s'est assis à cet endroit. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ijlisu hahuna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé de s'asseoir, de rester assis à cet endroit-là. Wa dakhala wa qad utiya bil jawaniyah. Fa unzilat fi bayti Umayyah bint Nu'am ou bint Nu'man ibn Shurahil. Oh, ibn Sharahil. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parti voir. Il est parti voir où il a retrouvé une femme qu'on surnomme Al-Jawaniya. Et dans ce hadith-là, il est appelé, elle a appelé Umayma bint An-Nu'man. Donc il est parti la retrouver. Wa qala wa ma'aha dayatuha ay hadinatun laha. Donc il est parti la retrouver et elle était avec une de ses servantes. Donc cette femme là elle était en présence de l'une de ses servantes. Falamma dakhala 'alayha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala habi li nafsiki aw nafsaki. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré chez cette femme, il lui a demandé, bon, on va le traduire comment, il lui a demandé, c'est comme s'il lui disait, donne-toi à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cette femme-là, Umayma, confie-toi à moi, ou voilà. Par rapport au mariage. Par rapport au mariage. Après on va voir est-ce qu'elle était mariée à ce moment-là ou est-ce que c'était une demande en mariage. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسواق أو للسوق. Elle a répondu, cette femme-là, elle a répondu, et est-ce que une reine peut donner peut se donner aux gens de la masse, à une personne de la masse. Elle a répondu au prophète alayhi salatu wassalam par cette réponse. Est-ce qu'une reine peut se donner aux gens de la masse? Fa'ahwa biyadihi yada'u yadahu 'alayha litaskun. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, il a voulu poser sa main sur elle afin qu'elle s'apaise. Faqalat inni a'udhu billahi mink. Et voilà que cette femme-là, elle dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Qala. Et donc là, tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qad u'id, ou qad uthi bi mu'adin. Tu t'es certes protégé par, tu es certes protégé par un bon protecteur. Thumma kharaja alayna, faqala, ya ba Usayd, iksuha raziqiyatayn wa alhiqha bi ahliha. Et ensuite, le prophète, il est parti retrouver ses compagnons. Et il a dit à l'un de ses compagnons, donne-lui deux vêtements en guise de cadeau et ramène-la chez sa famille. Et ramène-la chez sa famille. Et le hadith, rawah al-Bukhari. Donc c'est un hadith sahih. Taïb et Ikhwan, comme on avait dit, qu'on allait évoquer ce hadith, bi tafsil, ou bi fawaidih. اولا القصه كما ترونها ouais voilà c'est le prophète il a dit donne-toi à moi à cette femme là et elle lui a répondu est-ce qu'une reine peut se donner à une personne du commun de la masse تمام فهذه قصه صحيحه وردت في احاديث عده وسياقات يكمل بعضها بعضا donc ça c'est un récit qui est authentique et qui est venu de plusieurs manières, de plusieurs chemins qu'on va voir là. Falawa al-Bukhari rahimahullah fi sahihih 'an al-Imam al-Awza'i qala sa'altu az-Zuhri ay azwaj an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ista'adat minhu. Donc l'Imam al-Bukhari rapporte une parole de l'Imam al-Awza'i qui dit qu'il a demandé à l'Imam az-Zuhri quelle était l'épouse du prophète qui a cherché refuge auprès d'Allah contre lui. فقال فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عثت بعظيم Al-Hiqi bi Ahlik. Donc ça c'est une autre version du hadith. Toujours dans Sahih al-Bukhari. Donc Aïcha elle dit cette femme qui a cherché refuge auprès d'Allah contre le prophète n'est autre que la fille d'un homme qui s'appelle Jawn. La fille de Jawn. Ou peut-être c'est le nom d'une tribu. Taïb. Al-Muhim, lorsqu'on l'a ramenée au prophète, alayhi salatu wassalam, donc là on comprend qu'elle était fraîchement mariée, hein, elle venait de se marier avec le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on l'a fait rentrer auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, d'après Aïcha, elle dit qu'elle a cherché refuge auprès d'Allah contre lui, et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu la réponse que vous avez entendue. Non. Donc ça c'est une version du hadith. Non. وقد روى أيضا رحمه الله عن عبد الله بن عباس أو عن عباس بن سهل عن أبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل donc là c'est un hadith pareil de البخاري mais là on a clairement c'est clairement évoqué comme quoi elle était mariée. Comme quoi elle était mariée. Puisqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Umayma bint Sharahil. Falamma udkhilat alayhi basata yadahu ilayha faka'annaha karihat dhalik. Donc dans cette version-là, il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu poser sa main sur elle, on aurait dit qu'elle a détesté cela. فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدْ أَنْ يَجْهَرَهَا وَيَكْسُوهَا ثَوْبَيْنْ رَازِقِيَّتَيْنْ أَوْ رَازِقِيَّيْنْ. Et donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait dit de retourner chez ses parents comme la première version, en lui offrant deux vêtements. C'est comme s'il a divorcé. Oh oui, c'est un divorce. C'est une manière de divorcer. Et on va voir juste après, Inch'Allah, que pour le divorce, il n'y a pas de parole précise. Tu peux dire talak. Tu peux dire ilhiqi bi ahlik. En fait, c'est la niya. En fait, c'est la niya. Certains savants ils disent qu'il faut absolument dire la parole de talak. En vérité, c'est pas sahih. Comme on va le voir, Inch'Allah. Donc le prophète, quand il lui a dit ça, c'était un talak. C'est compté comme un talak. طيب. وروي أيضا أو وروى أيضا رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة. Donc là c'est une autre version encore de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler d'une femme arabe et il a demandé à Abu Usayd d'aller la demander en mariage, c'est-à-dire pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc cette femme-là s'est retrouvée dans les châteaux forts ou les forteresses des Banu Sa'ida. C'est une tribu parmi les tribus arabiques. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il est parti jusqu'à cet endroit là à sa rencontre. فدخل عليها فإذا امرأة منكسة نعم منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il est rentré chez elle, il a trouvé une femme qui baissait la tête. Il a trouvé une femme qui baissait la tête et elle lui a répondu « Je cherche refuge auprès de toi. Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. » فَقَالَ قَدْ أَعَثْتُكِ مِنِّي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette version, il lui dit « Je t'ai certes, alors je te protège contre moi. Alors je te protège contre moi-même. » فَقَالَ لَهَا Et ensuite, on a demandé à cette femme-là « أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا. » On lui a demandé, est-ce que tu savais qui était cet homme qui t'a demandé en mariage? Donc dans cette version, on comprend que il n'était pas marié, c'était une demande de mariage. T'as vu? Est-ce que tu connaissais cet homme? Et elle répond, là. Elle dit qu'elle ne le connaissait pas. Elle ne sait pas c'est qui. قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. Il est venu pour te demander en mariage. قَالَتْ كُنْتُ أنا أشقى نعم كنت أنا أشقى من ذلك. Et elle dit donc cette femme là elle dit depuis je suis malheureuse. Depuis je suis malheureuse de cette rencontre. Ou que cette rencontre est tournée de la sorte. نعم. المهم ça c'est plusieurs versions du hadith qui vous montrent que le hadith il est bel et bien confirmé. Comme quoi le prophète عليه الصلاة والسلام il a soit divorcé, hein, ou soit il a annulé une demande de mariage. Et même la version où elle dit une reine ne se marie pas. Ouais, elle est sahih, elle est dans le Bukhari. Et elle savait que c'était le prophète ou là, elle savait pas? Enfin, dans la version qu'on a, enfin que je vous ai lu au début, on comprend qu'elle connaît, elle sait que c'est le prophète, alayhi salatu wa sallam. Non. Non. Lakin, yaqulun annaha أسلمت جديد فهي حادث عهد بالإسلام. Certains savants ils disent que elle venait de se convertir à l'islam. Ça veut dire elle était nouvelle. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a jamais blâmé. Il l'a jamais blâmé pour ces paroles là. نعم. ثانيا اختلف العلماء في اسم هذه المرأة على أقوال سبعة ولكن الراجح منها عند أكثرهم هو. Et les savants, ils ont divergé sur le nom de cette femme-là, sur cette parole. Mais l'avis le plus juste, chez la plupart des savants, c'est qu'elle s'appelle, comment on l'a dit ? Umayma bint Nu'man. Et certains disent qu'elle s'appelle Asma. Tamam. طيب مسألة لماذا استعاذت تلك المرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Pourquoi alors cette femme-là, pourquoi a-t-elle cherché refuge auprès d'Allah contre le prophète عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء يمكن توجيه ذلك ببعض الأجوبة الآتية. قد يقال إنها لم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الرواية الأخيرة من رواية المذكورة آنفا. Donc, déjà la première des réponses qu'on peut donner, selon certains savants, c'est que pourquoi elle a cherché refuge auprès d'Allah contre le prophète, c'est tout simplement parce qu'elle ne le connaissait pas. Comme dans la dernière version que je vous ai évoquée. نعم. فقالوا لها أتدرين من هو؟ قالت لا. Donc dans la dernière version, on lui a demandé clairement, est-ce que tu sais c'était qui? Elle a dit non. تمام. ويقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال غيره يحتمل أنها لم تعرفه عليه الصلاة والسلام. وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. Donc Cheikh l'Islam Ibn Hajar, il dit que quand tu regroupes la plupart des versions du hadith, tu vois clairement que on ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi, Yahwan? À partir de quoi dans un des hadiths, quelle parole? Quand il lui a offert les vêtements, il lui a dit « Retourne chez ta famille. » Naam. Donc ça sous-entend qu'il y a une forme de connaissance. Qu'ils se connaissent. Ça sous-entend même qu'ils étaient mariés. طيب. ثم قال نعم سيأتي في أواخر ال... طيب. هذا كلام الشيخ الحافظ. قال. ثم قال فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب ألحقي بأهلها ولا قوله في حديث عائشة ألحقي بأهلك تطليقا ويتعين أنها لم تعرفه. Donc là, wa alaykoum salam. Donc le hafiz il nous explique que on ne peut pas dire que cette femme-là, elle ne connaissait pas le prophète, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, il dit « Ramenez-la chez sa famille », et dans une autre, il dit « Rentre chez ta famille ». Et après, l'imam al-Hafiz, il dit qu'il se peut que la qissa, il se peut que cette histoire-là, en fait, ce soit deux histoires différentes. Ce n'est pas impossible que ce soit deux histoires différentes qui ont concerné deux femmes différentes. Il a dit c'est pas impossible. Mais si on reste dans le fait que c'est une même et unique histoire, alors en vérité le fait de dire qu'elle ne le connaissait pas, c'est ba'id. Donc le deuxième avis des savants, certains ont dit ويذكر بعض اهل العلم ان سبب استعاذته ان سبب استعاذتها من النبي صلى الله عليه وسلم ما غرها به بعض ازواجه. Certains ont dit que, en fait, c'est la tromperie dont ont fait preuve certaines femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Je vous résume, on n'aura pas le temps de tout lire, je vous résume la faïda. C'est-à-dire que les femmes du prophète, lorsqu'elles ont entendu que le prophète, alayhi salam, allait marier une très très belle femme, d'une très très belle ou d'une très très grande lignée, c'est-à-dire le père de cette femme-là est un chef de tribu comparable à un roi de l'époque. C'est pourquoi, dans le hadith, elle dit « Est-ce qu'une reine peut se marier avec un homme de la masse ?» Tamam. Donc les femmes du prophète, lorsqu'elles ont su qu'il allait se marier, notamment Aïcha ou Hafsa, lorsqu'elles ont su qu'il allait se marier avec ou qu'il allait demander cette femme-là en mariage, elles ont été prises de jalousie. Et certaines se sont empressées de préparer la mariée, comme c'est dans certaines versions du hadith. Donc Aïcha et Hafsa, l'une s'est occupée de lui mettre du henna, du henné, et l'autre s'est occupée de la coiffer. Et pendant qu'elles étaient dans cette assise avec cette femme-là, elles lui ont dit « Si tu veux que ton mari... » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'honore dès le début du mariage, alors tu n'as qu'à lui dire que tu cherches refuge auprès d'Allah contre lui. Et tu vas voir, il va t'aimer directement. Donc cette femme-là, comme c'est venu dans les hadiths, elle a accompli elle a fait ce qu'on lui avait conseillé. Et lorsqu'elle a fait ce qu'on lui a conseillé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a tout simplement répudié. Donc elle a regretté. L'information est venue aux oreilles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il a dit, en ce qui concerne ses épouses, vous êtes comparables aux femmes de Youssef. Vous êtes comparables aux femmes de Youssef. À la kulli hal, ce hadith-là, l'histoire de la tromperie des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu de plusieurs chemins. C'est pourquoi les savants ils disent que ça a une base. Il y a des hadiths qui sont faibles, mais ça a quand même une base. Ça a quand même une base. Naam. Donc, on peut dire que parmi les causes qui ont fait qu'elle ait dit cette parole-là, la tromperie de certaines femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et, Yahya, quand vous regardez ou quand vous analysez la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, comment il était avec ses femmes. D'ailleurs, vous avez remarqué que le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il a divorcé cette femme-là, il a tenu à lui envoyer un cadeau. Il a tenu à ce qu'elle parte avec quelque chose. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خير لأهله خيركم خير لأهله et le prophète صلى الله عليه وسلم il dit le meilleur d'entre vous est le meilleur avec son épouse. Naam. Là le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم malgré qu'il a divorcé il lui envoie un bien ou un cadeau, ça montre encore la générosité et l'excellent comportement du prophète عليه الصلاة والسلام, et encore plus le fait que malgré qu'elle lui ait parlé de la sorte, ni il s'est énervé contre elle, ni il lui a dit une mauvaise parole. Au contraire, il lui a simplement dit, tu vas chercher refuge auprès d'un bon protecteur. Et il l'a renvoyé chez sa famille. Naam. À la kulli hal, on a dépassé le temps. Hein. C'est ça? C'est quand la salat? Donc ça c'est une des paroles qu'on dit certains savants comme quoi ce sont la tromperie, ou c'est la tromperie de certaines femmes du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont causé le fait que cette femme-là dise cette parole au prophète alayhi salatu wassalam. Et d'autres ont dit qu'en vérité, dakara akharun min ahli al-ilm anna sabab isti'adatiha huwa at-takabbur, yani takabburha ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Et certains savants ils disent que en vérité elle a cherché refuge auprès d'Allah contre le prophète alayhi salatu wassalam juste par orgueil. C'est à cause de son orgueil. Parce que comme on l'a dit, c'était une femme comparable à une reine. Comparable à une reine. Et elle a vu d'un mauvais œil de se marier avec un homme comme le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne possède pas grand-chose. Et il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était pauvre par volonté. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait le choix d'être pauvre. Wa'illa faqad khuyira an yakuna nabiyan malikan. On lui a demandé, on lui a donné le choix au prophète alayhi salatu wassalam entre le fait d'être un prophète roi ou un prophète serviteur. Il a préféré être un prophète serviteur. Wa'illa huwa malik. Salah. Mais sinon, il est plus haut. Il est d'un degré plus haut qu'un roi de ce bâmon. Bila shak, wala ray. Lakin hadi al-mar'a, certains savants ils disent que c'est à cause de son orgueil qu'elle a dit cette parole-là. Wa yani, parce que comme on l'a évoqué dans les premiers hadiths, C'était une femme qui était réputée pour sa beauté. Non. Wa al-jamal qad taghur. La beauté d'une femme peut la tromper. Peut la tromper et peut l'emmener dans, comme on vient de le voir dans ce hadith, dans une forme d'orgueil. فعليها أن تحذر من من من التكبر ومن الكبر وكلنا علينا أن نحذر من هذا من هذه الشؤمة ومن هذه ماذا المعصية إن شاء الله نسأل si y a des questions pour le dash prochain déjà. Parce que toutes les femmes...